Exercice 13. Exprimez un regret. Exemple. Je regrette. À vous. Un souhait. Je souhaite. Une envie. J'ai envie de. Un désir. Je désire. Une opinion. Je pense. Une volonté. Je veux.